Bon, j'ai touché un truc, mono, stéréo, un check. En mono en fait, c'est pas ce que j'ai fait sur Reaper. Alors je vais essayer comme ça. Test, test, check. Oh, oh, oh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Bon, déjà, est-ce qu'on peut. Comme ça, je peux vérifier. Pas ça. C'est pas ça. Thank you. Hey. Je sais pas ce qui se passe. Hey, hey, hey. Là, là, le signal est en mono. Hey, hey, hey. Master, track. Ah, ça y est. Hey, hey, test, check, check. Pareil. Hey. Hey. Oh, oh. Hey, yeah. Oh, hey, putain, y'a rien qui a changé. En fait, que je t'explique, depuis un certain temps, toutes mes pistes passent en mono gauche. D'ailleurs, si tu vas écouter sur le launch, tu m'entendras complètement à gauche, alors que toi, on t'entend partout. Et je sais pas ce que j'ai fait. Une connerie, mais laquelle, j'en sais rien. Un, deux, O, E, un, voilà. Moniteur un peu. Un peu de mono. Oui, bien sûr, mais là, ça c'est moi qui ai fait une connerie, mais je sais pas laquelle. Et pourtant, j'avais sauvegardé. Mono. En mode L plus R. Tac. Il n'y a que comme ça que je peux vérifier. Local channel en haut. Alors oui. Local channel, oui, je suis en stéréo. Stéréo 1 et 2. Je vais réessayer. Tac. 1, 2, 3. Et pourtant, local channel, ça sort en stéréo, là. Je comprends rien du tout. Rien du tout. 1, 2, 3. Putain. Et sur le long, je suis en mono. Tu vois, quand tu écoutes sur le long, je t'entends ton... Le second curseur, tu es centré. Fais voir, second curseur. Lequel... Ah, attends, il est où? Ah oui, là, par exemple, je suis complètement à droite, complètement à gauche. Là, je l'ai centré. 1. Attends, on va virer un truc local channel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah merde, il n'y a plus rien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, parce que là, j'ai rajouté un. Ouais, parce que là, j'ai rajouté un. 3. Non, mais ça, 1, 2, 3. Non, mais ça, il fait pas. Je sais ce que je vais faire. Putain, attends, je sais ce que je vais faire. File là. File là. Un, deux, trois. Putain, il est en stéréo le local channel. Voilà, j'en ai remis un autre qui est en stéréo. Mais sur Reaper, ma piste, elle est en mono. Et pourquoi elle est en mono? Oui. Mais par contre, j'entends plus là. Ah, ça s'est arrêté, l'enregistrement. Ah, ça y est. Je vais trouver. Tac. 1, 2, 1. Attends. Non, ça faut pas faire ça. 1, 2. 1, 2. Pain, gauche. Ah. Oh putain, j'ai fait un truc. Oh, comme ça en retard le truc.